mairie du 13e. Je passe assez souvent par ici. Le 13e, c'est mon arrondissement préféré de Paris. Ici, j'ai vécu des beaux jours. Normalement, il y a des embouteillages, il y avait des travaux par des années, mais les travaux sont finis. La place est refaite en beauté, comme toute Paris pour les Jeux olympiques. Les fleurs,